Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone de Danny Veilleux, les Saguenay de Chicoutimi ont remporté hier une belle victoire hier contre la formation de l'Océanique à Rimouski par la marque de 5 à 4. À noter dans le match que Jesse Sutton a marqué 2 buts et amassé une passe. Il y a également un but pour Gabriel Villeneuve, un but également pour Justin Ducharme. Et l'autre filet appartient aussi à Vladislav Kotkov qui a ajouté une passe également à sa fiche. Donc une belle victoire des Saguenayens 5 à 4 contre l'Océanique de Rimouski. Le Challenge Banque nationale sera présenté la semaine prochaine, où ça va commencer en fin de la fin de semaine prochaine. Ça va avoir lieu à Ville-Saguenay. Et le Challenge Banque nationale coïncidera avec le 40e anniversaire du club de tennis Saguenay. Et en tout, il y aura quand même plusieurs Canadiennes qui seront du tableau principal. Et entre autres, Bianca Andreescu et Rebecca Marino, qui sont deux joueuses de tennis qui jouent au niveau international. Par contre, il y aura Françoise Abanda qui ne sera pas là pour la circonstance. Et on a la gagnante également de l'an dernier ne participera pas aussi à la 13e édition du Challenge Banque Nationale. Maintenant, hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a parlé avec le joueur des Cougars de Chicoutimi, Simon Grimard. Dans un premier temps, Simon Grimard nous parle de son adaptation avec les Cougars de Chicoutimi. Au niveau du football aussi, là, on a des bons coachs qui nous aident, qui sont toujours là pour nous autres. On a des questions, on peut les texter, ils peuvent même se déplacer au cégep. Par exemple, je suis en résidence, j'ai une question à mon coach et peut se placer sans problème pour venir répondre à ma question. On fait des vidéos aussi, on fait des petits meetings entre coach de position avec nous. Simon Grimard nous parle dans un deuxième temps que Nick Menacci était très très vendeur pour l'attirer avec les Cougars de Chicoutimi. Oui, puis aussi, tu sais, tout ce qui ça m'intéressait, les professeurs, j'avais rencontré un peu de professeurs puis de responsables autour de l'équipe. Puis c'est vraiment Chicoutimi qui m'a frappé, donc j'ai décidé d'y aller pour la recette gagnante. Ouais, dans un dernier temps, Simon Grimard parle aussi du rendement de l'équipe. Très bon. C'est sûr qu'on a échappé une victoire à Rimouski qu'on aurait été capable d'aller chercher. Ouais. Mais on s'en sort tous les manches la semaine d'après. On travaille fort à chaque semaine. On a eu une belle semaine de congé la semaine passée parce qu'on était en bye week. Ouais. Ça fait du bien aussi, j'imagine. Ouais, puis tu sais, on pouvait juste se concentrer comme sur nos études. Mais c'est sûr que ça fait du bien au corps un peu pour s'attendre. OK. Là, je vous invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec David Cadieux qui s'est battu à deux reprises contre Patrice Lheureux qui est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. On s'est également entretenu avec Marc Fortier, c'est l'actualité de la Ligue nationale de hockey. Également, vous pouvez écouter les autres entrevues, entre autres avec Simon Grimard des Cougars de Chicoutimi. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.